Chapitre 33e. L'horrible trouvaille. Les 3 semaines de répit que Li Chum a prétendu avoir obtenu de ceux qui reconnaissaient en lui le maître des jeunes allaient bientôt toucher à leur fin. L'angoisse maintenant étreignait plus fortement les hôtes du bungalow blanc, si riant sous les arbres et contenant tant de peine. Rien, encore rien, toujours rien. Les recherches les plus minutieuses ne donnèrent aucun résultat. La main, et par là même la bague sacrée, restait introuvable. La libération de Darling s'éloignait de plus en plus, et le meurtre de Li Chuma approchait d'autant. Li Chuma avait dit loyalement à Paulin Broquet et à Miss Eden qu'il était absolument inutile de chercher par surprise ou par force à enlever Darling. Il avait recommandé de ne pas envoyer de nouveau Hayamaki explorer la Chinatown. Ce serait peine perdue, tandis que la finesse, la subtilité du japonais, pouvait mieux s'employer à chercher la main, à découvrir la bague. Hayamaki donc s'acharnait à fouiller tout le jardin, sans résultat. C'était désespérant. Paulin Broquet tirait de cette situation des arguments douloureusement probants, en faveur de sa thèse favorite contre les services que peuvent rendre les chiens. Cependant, s'il doutait, non de l'intelligence ou du flair ou de l'instinct du chien, mais de la bonne application de ses dons, parfois étonnants, il ne cessait quand même d'étudier Pip et son caractère bizarre. Le bon Pagnose ne savait plus que faire. Pip l'écoutait bien, avait l'air de comprendre ce qu'il demandait, et il ne rendait rien. Cela ne pouvait satisfaire un esprit sérieux comme celui de Paulin Broquet. Il voulut savoir pour quelle raison Pip, même sous la caresse de son maître, tremblait, et dès qu'on le rentrait, courait se cacher tout peureux dans l'écurie. Sans rien dire, sans rien laisser voir qui pût alarmer Pagnose, au cours de plusieurs nuits, il surveilla le chien, mais le chien ne sortait pas de l'écurie. Il restait dans le fond du box de Shorty, où il avait élu domicile à côté du poney de Darling. Pendant que Pagnose, qui s'était fatigué durant la journée, dormait comme un grand enfant d'un sommeil heureux et profond, Paulin Broquet, tenace, vint plusieurs fois devant la porte du box de Shorty. Il essaya de voir ce que faisait le chien. Pip gronda, ronchonna comme un bon gardien qu'on dérange. « Il m'a flairé, » se dit Paulin Broquet. « Mais il sent que c'est quelqu'un de la maison. Il se contente de me faire comprendre qu'il sait que quelqu'un est là. » Paulin Broquet revint plusieurs fois à la charge. Lui qui observait tout, remarquait tout, à qui rien n'échappait, s'aperçut que les grognements du chien n'étaient jamais les mêmes. « C'est bizarre, » se dit-il. « Parfois il grogne pour avertir, parfois on dirait qu'il rage, qu'il est en faveur, qu'il va mordre. » Paulin Broquet voulut savoir la raison de cette différence. Un soir, qu'il s'était glissé jusqu'à la porte de l'écurie, il écouta le chien grogner pour signaler sa présence, mais il ne s'éloigna pas comme il le faisait jusque-là. Il demeura devant la porte, sans bouger, attendit. Le chien alors sembla ne plus se soucier de sa présence et il reprit son manège un moment interrompu. Il a l'air, se dit Paulin Broquet, de se disputer avec quelqu'un, avec quelque chose. Paulin Broquet se glissa à genoux jusqu'à l'ouverture aménagée dans le bas de la porte, comme une grande chatière, pour permettre précisément au chien de sortir. Il attendit quelques secondes. Pip, très occupé dans le fond du box, ne le sentit pas. Il continua sa bataille, ses grognements de rage. Paulin Broquet était muni d'une lampe électrique de poche. Il donna brusquement de la lumière. Pip, surpris, cessa de se rouler à terre en grognant, mais il fit un bond énorme, comme seul un chien caraïbe pouvait en faire. Paulin Broquet eut cependant le temps de voir que Pip tenait quelque chose dans sa gueule. Quoi? Un vieil os, un chiffon, un rat. Le chien avait bondi jusque dans la mangeoire de Shorty. De la mangeoire, il sauta sur le rebord du grenier où se trouvait la provision de fourrage. Une fois là, il se glissa et arriva à la soupente sur le mur supportant les poutres du toit. Et il se remit à gratter comme un forcené, en grognant furieusement cette fois. Paulin Broquet le suivit. Il escalada à son tour le grenier, arriva à la soupente et projeta les rayons de la lampe électrique sur le chien. Pip, maintenant, se sentant pris en faute, ne grognait plus, ne grattait plus, faisait le chien couchant qui s'attend à être battu, et il abandonna ce qu'il tenait dans la gueule. Paulin Broquet se pencha et ressentit un coup formidable malgré son sang-froid. « La main » dit-il, « la main !» Il la prit, la ramassa. C'était maintenant une chose informe, presque méconnaissable, tant Pip s'était acharné à y donner des coups de dents. Mais cette chose horrible, c'était la rançon de l'exquise Darling, et pour la broquer à prix, surmontant son horreur, son dégoût. Il la mit sous le rayonnement de la lampe électrique, l'examina, elle était déchiquetée. Alors il poussa un cri d'angoisse et d'effroi, de désespoir. Le doigt de la bague n'y est pas. Son cri eut un écho. Cet écho était la voix de Miss Hidden. Elle avait, sans qu'il s'en doutât, suivi son mari, et presque derrière lui, elle était entrée dans l'écurie. « C'est la main ? » demanda-t-elle à Paulin Broquet. « Vous avez la main ?»« Oui, cher ami, j'ai la main. La bague n'y est pas. Mais elle ne peut être loin. Rassurez-vous, nous allons la trouver. » Paulin Broquet ajouta. « Voulez-vous aller prévenir Ayamaki et Pagnose, leur dire de venir me rejoindre avec des lumières ? Nous allons chercher ici, tout fouiller et trouver certainement. » Peu après, le japonais, le cow-boy, accourait avec des lampes. Paulin Broquet leur donnait les explications nécessaires, puis ajoutait « Maintenant, fouillons. Cherchons doucement, soigneusement. Je tiens pour certain que la bague est dans l'écurie. » À chacun, il donna un endroit à explorer. « Et moi ?» demanda Miss Hidden. « Quel coin m'attribuez-vous » Paulin Broquet, avant de répondre, projeta le rayon de sa lampe électrique dans toute l'écurie. Il étudia, calcula, chercha quelque chose dans sa tête, puis, en souriant maintenant, il répondit à Miss Hidden. Vous, cher ami, puisque vous voulez nous seconder et nous porter bonheur, fouillez dans cet angle du box de Shorty. Paulin Broquet venait de déduire ceci. Le chien se battait avec la main à terre, sur la litière, puis il remontait à cacher la main dans la soupente du grenier. Si le doigt détruit est tombé, c'est dans ce coin. Si la bague a sauté, c'est également par ici. Et il voulait donner à Miss Hidden cette joie de trouver, elle, la bague, suprême rançon de sa fichérie. Puis il gagna son poste de recherche. Ayamaki grimpa après lui. Pagnose fouilla dans le fourrage, la mangeoire. Miss Hidden chercha à terre, consciencieusement. Petit coin par petit coin, on fouilla toute l'écurie. Les heures passaient, longues, anxieuses. On voulait à toute force trouver, et on ne se lassait pas de ne pas trouver. « Courage, courage !» disait de temps en temps Paulin Broquet. « Nous devons réussir !» Maintenant le jour venait, et obstinément, chacun revenait au coin déjà examiné, déjà visité plusieurs fois. Tout à coup, Miss Hidden poussa un cri. « La voilà !» Miss Hidden s'était mise à genoux à même le sol du box, entre les pieds du poney de Darling, et avec les ongles, elle creusait de temps en temps de longs sillons. De ses doigts, elle cherchait dans le fumier, dans le sable. Les chevaux de Pagnose, le poney de Darling, en chevaux habitués à ne galoper que sur la terre, le sable des prairies désertes, gardaient les sabots très sensibles, malgré les fers. Ils souffraient sur le macadam des routes, comme des gens habitués à les pieds nus, quand on les oblige à mettre des souliers. Pour les reposer, leur éviter une souffrance inutile, Pagnose avait mis une couche de sable dans le box des chevaux et posé dessus les litières des chevaux, de sorte que les animaux pouvaient reposer leurs pieds sur un sol rappelant celui auquel ils étaient habitués. Or Pip, qui menait de se battre avec la main de Footsie dans le box de Shorty, y avait laissé le doigt déchiqueté à coups de dents, l'avait peut-être enfoui dans le sable sous la litière. Shorty, lui, en remuant les pieds, avait achevé d'enfoncer la bague dans le sol. C'est pour cela que Pagnose, qui cependant tenait admirablement son écurie, n'avait pas, en levant la litière, en égalisant le sable, découvert la bague. Il avait fallu la patience de Miss Hidden pour la trouver. À son cri joyeux, Paulin Broquet descendit vivement auprès d'elle. « Il fallait, cher ami, votre cœur de mère pour avoir cette inspiration, et vos yeux de maman pour apercevoir ce que nous avons tous si longuement, si âprement cherché. » On regardait la bague, on riait. On avait des larmes aux yeux. « Préparez l'auto !» commanda Paulin Broquet. « Nous allons sans retard porter cet objet qui nous a coûté dans nos peines à Lichuma. » Le jour maintenant était venu. Paulin Broquet et Miss Hidden rentrèrent dans leurs appartements pour mettre un costume de route afin de se rendre à la Chinatown. Miss Hidden passa dans son cabinet de toilette pour se laver les mains. Ce cabinet de toilette se trouvait près de la chambre de Darling. Miss Hidden s'épongeait les mains et allait sortir quand une petite voix l'appela. « Good morning, maman. Darling !» C'était Darling qui, comme autrefois, venait de s'éveiller dans ce petit lit blanc. Impossible de décrire la joie de Miss Hidden, de Paulin Broquet en revoyant l'enfant. Ah, ils ne se demandèrent pas depuis combien de temps Darling se trouvait là, comment elle y était venue, qui l'avait portée dans son petit lit blanc. Ils étaient tous, au seul bonheur de revoir, d'embrasser l'enfant. « Restez, cher ami, » dit Paulin Broquet à Miss Eden. « Restez avec Darling, j'irai seul porter la bague à Lichuma. » Après un nouveau et long baiser à la fillette, Paulin Broquet, heureux, rayonnant, se précipita dans l'escalier. Comme il arrivait dans le grand hall qui dominait les marches de marbre blanc, tout à coup, devant lui, se dressa Lichuma, grave, solennel. « Restez aussi auprès de Darling, » dit le Chinois. « Retournez auprès de Miss Eden. Demeurez dans votre bonheur. Vous ?» s'écria Paulin Broquet. « Quand ? Comment êtes-vous venu ? Je sais que vous avez la bague. Vous alliez me la donner. Merci. La voici. Merci encore. » Lichuma ajouta. « Si vous ne l'aviez pas trouvée, aujourd'hui à midi, on me coupait la gorge. » Alors, tendant la main à Paulin Broquet, « Avant de mettre cette bague qui me séparera jamais de vous, laissez-moi vous serrer la main, de grand cœur. » Les deux hommes se donnèrent une longue et cordiale étreinte. « Soyez heureux, gardez de moi un bon souvenir. » Lichuma regarda encore longuement la bague avant de la glisser à son doigt. « Voilà, dit-il, qui va me rendre maître de millions et de millions de sujets. Ami, plaignez-moi. » Il soupira, et d'un coup, il enfonça la bague à son doigt. « Adieu, dit-il. » Et il disparut.